Underground style. Underground style. Underground style. Underground style. Par le sugar rap, la populace estime que le flic affirme, donc j'estime légitime que ce même fric qui décime les nôtres. Oui, tu kiffes à te pavaner en merco, tu kiffes à jouer les macs coulac, tandis que ton marmot dans le voisinage écoule son talc, sniffe et se repoudre le pif, joue les victimes entre deux gorgées de coca goulac. Pas soif d'un je ne sais quoi, d'un truc qui donne l'impression de porter une coiffe nouvelle. La gloire, pouvoir genre ramène l'éveil, la convoitise des autochtones que l'on appelle cité, ouais, ouais. Si t'en es marqué, banlieue quartier pour les usagers, simple aide remarquée, que seuls connaissent, vivent et reconnaissent, testent l'underground et survivent dans un style. Banlieue sarde anonyme, maïeuticienne dans le style. Définissable, non pas par la sape, reconnaissable, pas même par ce vocabulaire qui pêche, qui te sèche et t'handicap et qui te rend méconnaissable aux yeux de tes proches. Il nourrissait l'espoir d'enfanter un crack du Macintosh, d'assister au comeback du tiers-monde. Y'a qu'une loi pour le tiers-monde, la loi du talion pour toutes ces puissances qui vivent de nos roches. Hoche ta tête si comme moi tu veux être, si comme moi t'as ce souhait de te dire qu'un jour peut-être lumière sera faite et qu'éblouit les responsables tomberont banqueroute devant la défaite. Oui, un jour peut-être nous ne serons plus les pions pris au piège, simple jouet d'un complot stratège qui te propulse à l'affiche ta guiche dans une version hypocrite d'une communauté. Chômeurs et rémistes, ouais. Mendiants problématiques, délinquants frénétiques, à croire qu'il n'y a plus d'éthique. Il n'y a plus des claques et des clics qui se perdent. Et merde, Jospin Chirac, peu importe qui siège au trône, c'est toujours la même gerbe qu'on retrouve au bas de l'iceberg. Pour cause, la cupidité funèbre, elle ouvre une nouvelle ère. Pareil à l'idée que je me fais des ténèbres, je regarde les hommes et je me dis c'est peut-être elle, Lucifer. Quand de l'altesse pouvoir et de princesse tu n'as qu'il désire, hypnotique, névrotique, immodéré que du bas et haut de l'échelle. Il y a pour la richesse, mal acquise, maléfique, pour toute une génération, une autre qui sera sacre sacrifié car sanctifié par le sacre de l'argent pour le sacre du pouvoir. T'as qu'à voir, voyage dans nos contrées où tous tombent plus vite dans le vice les uns que les autres. Ça c'est même vulgarisé, terrain propice pour le vautour qui n'a plus qu'à vulnérabiliser des âmes conquises, vantardes et voraces. Des gens valables aussi s'enlisent dans la vase ici. S'en sortir c'est exceptionnel, mais plus juste est dire qu'il restait par meurtre, pas pur suicide, peine carcérale. Ce n'est pas moral, chez nous juste banal ou optionnel.